Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Suite aujourd'hui de notre série d'émissions qui célèbre les rencontres entre la philosophie et le cinéma, aujourd'hui je vous propose de redécouvrir une émission enregistrée avec le cinéaste Luc Dardenne, enregistrée dans le cadre d'une série sur le philosophe Emmanuel Lévinas en février 2019. Luc Dardenne était venu se poser cette question, comment filmer l'impossibilité de tuer ? Tu ne tueras point n'est pas seulement un commandement divin. C'est, d'après le philosophe Emmanuel Lévinas, ce que m'ordonne le visage d'autrui. Si l'interdiction de tuer est première dans ma rencontre avec autrui, comment se rend-elle visible? Comment s'exprime-t-elle? Et comment s'entend-elle? Ces questions sont présentes dans chaque film des cinéastes Luc et Jean-Pierre Dardenne. De Rosetta, Palme d'or en 1999, à La fille inconnue, sept films relèvent un défi inouï. Comment filmer l'impossibilité de tuer? Comment mettre en scène le cœur de la philosophie de Lévinas quand lui-même était si méfiant à l'égard des images? Le cinéaste Luc Dardenne est avec nous en studio aujourd'hui pour répondre à ces questions. Il est où, Jimmy? J'ai vendu. Quoi? Comment ça, vendu? Oui, j'ai vendu. Où est-ce qu'il est? J'ai des gens qui vont le placer dans une famille où il sera bien, adopté. Mais il est où? Je t'ai dit, je l'ai vendu. Plus je suis responsable, plus vaste m'apparaît la responsabilité qu'il convient de prendre. Regarde, j'ai de l'argent. C'est pour nous. Sonia ? Sonia ? Sonia ? Sonia ? Vous n'êtes jamais quitte. Ça va ? À l'égard d'autrui. Sonia ? Sonia ? Sonia ? Sonia ? Tu ne tueras point, ça marche aussi avec tu ne vendras pas ton enfant. Bonjour Luc Dardenne. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. On a entendu alors un mix fait par notre réalisateur Thomas Beau, un extrait de votre film et de la voix d'Emmanuel Lévinas. Et c'est vrai, quand on entend ce dialogue d'un homme qui a voulu vendre son enfant et Lévinas qui dit tu ne seras jamais, on ne sera jamais quitte avec autrui, l'écho est plus qu'évident. Oui. Et Lévinas a raison de dire ce qu'il dit au moment où l'acteur Jérémy dit à son ami qu'il a vendu l'enfant. Donc il ne voit pas le visage d'autrui, c'est-à-dire le visage de son ami. Il ne le voit pas. Il ne voit pas sa souffrance, il ne voit pas son appel. Et il lui montre l'argent qu'il a gagné en vendant l'enfant. Et donc on est C'est le titre du film, d'ailleurs. Oui, on est aux antipodes, évidemment, de ce qu'on pourrait appeler l'éthique lévinassienne comme éthique effective. Mais précisément, je crois qu'il faut toujours penser l'éthique de Lévinas comme utopique, c'est-à-dire, comme il le dit lui-même, la sainteté utopique. Il le sait mieux que personne que cette éthique, puisqu'elle part quand même de la Shoah, elle part quand même de ce massacre de 6 millions de personnes juives durant la Seconde Guerre mondiale. Il le sait que l'éthique ne se réalise pas comme cela. Et c'est bien pour ça qu'il a essayé de penser une éthique qui est à la mesure de la catastrophe de la Shoah. Et c'est une possibilité utopique qui nous a aidé, nous aussi, à construire notre film, c'est-à-dire à penser le fait qu'il ne voit pas cette femme en train de souffrir, de lui demander, d'abord, c'est incroyable d'avoir vendu son enfant, donc elle va s'évanouir, elle va réagir par un évanouissement, mais après, enfin, il va retrouver cet enfant, il va le racheter, si je puis dire, et il va se racheter en même temps, si je puis dire aussi, et il va retrouver une espèce de paix avec cette femme. Parce qu'il va voir sa souffrance et il va y répondre. Mais de manière, je dirais, surprenante. Et c'est ça, je crois, qui est important pour nous quand on réfléchit les comportements de nos personnages dans des situations éthiques, morales, et qu'on pense à Lévinas. Il dira souvent qu'il y a une soudaineté dans l'intrusion d'autrui. Quand autrui vient vers moi, me dérange. Il vient et je réagis ou je ne réagis pas. Je vois ou je ne vois pas. Je vais vers lui ou je n'y vais pas. Normalement, je devrais y aller, mais je parle ici dans la réalité, dans ce qui est effectif, dans les choses, dans la vie. Mmh. Et c'est important pour nous de toujours essayer de voir comment on va pouvoir construire la surprise du comportement éthique du personnage. Et on va le voir aujourd'hui avec plusieurs extraits de vos films, hein, pas simplement l'enfant, car finalement cette question, vous la posez à chaque fois, me semble-t-il. Souvent, presque dans tous les films, oui. Comment avez-vous rencontré, alors non seulement la pensée de Lévinas, mais Lévinas lui-même, n'est-ce pas? Vous avez travaillé avec lui? Travaillé, non. J'ai rencontré Lévinas parce qu'il est venu donner cours à l'université de Louvain, où je faisais mes études de philosophie, tout en travaillant déjà avec mon frère, en faisant des documentaires, des films documentaires. Et j'ai suivi ses cours, qui sont une partie des cours qu'il a donnés à la Sorbonne, en 76, 76, je crois, ou 75, je ne sais plus exactement, sur Dieu, la mort et le temps. Et j'ai suivi ses cours, et puis on avait l'intention de faire un film sur Ernst Bloch, le philosophe Ernst Bloch, Le principe espérance. Et je suis allé sous les recommandations de Monsieur Tamignot, qui était professeur de phénoménologie à Louvain, et aussi de Monsieur Ladrière, que Monsieur Lévinas aimait beaucoup. Et j'ai été trouver Monsieur Lévinas chez lui, dans son appartement, et on a passé un peu de temps, enfin assez bien de temps. J'ai été surpris. Et il y a eu deux choses qui m'ont surprise aussi durant cet entretien. Une, où quand je lui ai dit qu'on faisait un film sur Ernst Bloch, il m'a dit « mais il est mort, Ernst Bloch ». Et je lui ai dit « oui, mais nous avons des images d'archives ». Et il m'a regardé, il y a eu un silence, comme si il trouvait quand même surprenant de faire parler un mort. Donc je l'ai vu très surpris, il m'a dit « oui, oui, c'est vrai, il a fait des interviews ». Et puis alors la deuxième chose, c'est que bon, j'étais un peu dans ma naïveté de 20 ans. Si vous voulez, moi je enfin, d'un peu plus que 20 ans, 25, 26 ans, je prenais le principe espérance d'Ernst Bloch comme une espèce de principe qui était à l'initiative de toutes les résistances qu'il y avait eu depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Et on a parlé du 20e siècle, et il m'a dit, mais monsieur, le 20e siècle, on a résisté, comme Spartacus avait résisté et d'autres avant, même ceux sans doute que dont nous n'avons pas de traces écrites de leur résistance, mais ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est différent. On a exterminé 6 millions de Juifs. Et le principe espérance, qu'est-ce qu'on fait avec le principe espérance? Il ne l'a pas condamné. Il a simplement dit, et ça allait être son intervention dans le film, si le film s'était fait, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec le principe espérance? Comprenez ce qui s'est passé. Les gens ont laissé partir vers la mort 6 millions de personnes. Pourquoi? Comment? Pourquoi ce principe espérance n'a-t-il pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il est exactement? S'il avait participé au film, je pense que il aurait dit que le principe espérance devait être un principe éthique. Et pourquoi le film ne s'est-il pas fait? Ça, c'est nous qui n'avons pas trouvé l'argent qu'il fallait pour le faire. Donc vous n'avez pas pu collaborer avec Lévinas le temps d'un film. Et comment avez-vous décidé? Vous disiez, vous faisiez des études de philosophie, vous êtes aujourd'hui cinéaste. La rencontre avec Lévinas, son travail, compte beaucoup pour vous aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de dire ce que vous aviez à dire par le biais du cinéma et pas en philosophie? Ah, ça, ce n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas une application de la philosophie de Lévinas au cinéma. J'étais dans les deux. J'ai toujours été dans les deux, je suis encore. Et je lisais Lévinas. Pour moi, c'était vraiment la grande découverte de ma vie en philosophie. Parce que je travaillais beaucoup sur les textes de Heidegger à Louvain avec le professeur Tamignot. Et mon problème était que je ne découvrais pas chez Heidegger la présence de la loi, la présence du devoir moral. Tout était lié à l'être. Le devoir, c'était le Dasein qui le donnait sur ses possibilités. Il n'y avait pas d'extériorité morale chez Heidegger. Et c'était une vraie question pour moi, parce que j'avais commencé par lire Kant, c'était les premiers ouvrages de philosophie que j'avais lus. Et, bon, quand j'ai lu Lévinas, j'ai trouvé, pour le dire brièvement, que la loi s'inscrivait dans le rapport humain, dans la relation humaine, dans la relation autrui. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et la chose la plus extraordinaire, et qu'on essaye de filmer, c'est comment un individu peut-il devenir « je » sous l'injonction d'autrui qui lui dit « aide-moi » ou « ne tue pas ». C'est-à-dire l'élection, ce que Lévinas appelle l'élection. Et ça, c'est un « je » auquel je n'aurais jamais pensé. Ça, c'est vraiment une révélation de « je suis je » parce que l'autre me constitue comme « je » par sa demande, par son ordre. Ça, j'ai trouvé ça, voilà, je... Et c'est pour ça que j'ai lu, et je lis toujours Lévinas, parce que c'est difficile. Le texte est difficile. Alors, comment cette réflexion-là et cette question-là s'expriment dans le cinéma. Avant d'entendre un premier extrait de votre travail avec votre frère, Luc Dardenne, je vous propose qu'on écoute un texte de Lévinas sur l'art, car contre toute attente peut-être, on n'en a pas encore parlé cette semaine, mais lorsque Lévinas parle de l'art, il est extrêmement méfiant, c'est le moins qu'on puisse dire. Voici un extrait de La réalité et son ombre, lu par Vincent Schmitt. L'art constitue, dans un monde de l'initiative et de la responsabilité, une dimension d'évasion. Nous rejoignons par là l'expérience la plus courante et la plus banale de la jouissance esthétique. C'est l'une des raisons qui font apparaître la valeur de l'art. Il apporte dans le monde l'obscurité du fatum, mais surtout l'irresponsabilité qui flatte comme la légèreté et la grâce. Il délivre. Faire ou goûter un roman et un tableau, c'est ne plus avoir à concevoir, c'est renoncer à l'effort de la science, de la philosophie et de l'acte. Ne parlez pas, ne réfléchissez pas, admirez en silence et en paix, tels sont les conseils de la sagesse satisfaite devant le beau. On se venge de la méchanceté en produisant sa caricature, qui lui enlève la réalité sans l'anéantir. On conjure les mauvaises puissances en remplissant le monde d'idoles qui ont des bouches mais qui ne parlent plus. Comme si le ridicule tuait, comme si par les chansons tout pouvait réellement finir. On trouve un apaisement lorsque, par-delà les invitations à comprendre et à agir, on se jette dans le rythme d'une réalité qui ne sollicite que son admission dans un livre ou dans un tableau. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et celui qui pense que l'art constitue surtout une dimension, disons, d'évasion, eh bien, c'est Emmanuel Lévinas. Luc Dardenne, peut-être connaissez-vous ce texte qui semble, eh bien, rendre méfiant aussi celui qui l'écoute quand on voit comment s'applique ou peut-être comment la pensée de Lévinas peut prendre forme dans le cinéma. J'imagine que si vous le faites quotidiennement, ça montre bien qu'il y a quand même un lien malgré la réticence de Lévinas. Oui, oui. Et puis, bon, Lévinas n'a pas écrit qu'un texte où il est question de l'art, même si celui-là est avec un chapitre d'un texte précédent de L'existence à l'existence. Ce sont les textes consacrés à l'art, plus ce qu'il a écrit aussi, mais qui sont des écrits de circonstance sur des peintres. Et aussi, évidemment, sur Celan, sur le poète. Paul Celan, oui. Paul Celan. Mais je pense que bon, le texte que vous venez de citer, l'extrait du texte La réalité et son ombre, c'est un texte de 1948. Et je pense que le mot responsabilité ou irresponsabilité qui apparaît dans ce texte nous annonce ce qui n'est pas encore présent dans la philosophie de Lévinas. Il n'a pas encore écrit Totalité infinie et les textes préparatoires. En tout cas, pas publiés. Et je pense que c'est ce mot-là, évidemment, qui nous dit, tiens, l'art irresponsabilité. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, mais c'est très complexe, je peux pas développer non plus, mais je dirais que l'art ensorcelle. L'art vous envoûte. L'image. Il dira même que l'être se ressemble. C'est-à-dire que l'être se divise, se sépare de lui-même, produit son image, son reflet, et que l'objet s'écarte, l'objet s'éloigne. Il dira en plus, non seulement l'objet s'éloigne, mais l'image va faire croire une existence, ce sera l'idole. Elle va, si vous voulez, vous éloigner, vous, spectateur, vous qui le regardez, de la réalité. La réalité disparaît. En même temps, il va être sensible, parce que c'est ça qui est particulier, il va être sensible à ce qu'il appellera l'en-deçà. C'est-à-dire l'en-deçà du temps, l'en-deçà de la réalité et de l'être, c'est-à-dire précisément ce à quoi la sensibilité vous donne accès. Le rouge, les couleurs, les éléments qui sont artistiques et qu'il voit dans l'art contemporain. Mais en même temps, il voit cela, mais c'est vrai qu'il dira, à la fin de ce texte, tout cela, tout cet art, toutes ces images, cette musique, ces rythmes, qui vous envoûtent, qui vous intéressent parce qu'ils vous prennent, ou vous vous perdez, ou vous devenez une chose parmi les choses, le contraire de Sartre, ce que dira ça. Mais il dira à la fin de ce texte, heureusement, il y a la critique, il y a la parole, il y a les mots. Mais il ne parle pas du cinéma. Non. Jamais. Je pense qu'une fois, une fois. Oui. Je pense, mais oui, j'ai essayé de le retrouver avant de venir, mais je l'ai pas. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Est-ce que ça veut dire que l'expérience de la rencontre d'autrui ne peut pas se passer dans l'art? Mais c'est-à-dire, je vais vous dire comment mon frère et moi-même nous nous prenons au sérieux. C'est-à-dire que moi, je me dis, c'est un avertissement. Quand je fais un film avec mon frère, je me dis, c'est un avertissement ce que a écrit Lévinas dans ces textes-là, puis dans Totalité et Infini aussi, et aussi dans Autrement qu'être. Je dis, c'est un avertissement, c'est une mise en garde, et je la prends comme cela. Par exemple, si vous voulez, quand on filme un personnage, on se dit, attention, il est en train de se caricaturer. C'est-à-dire, nous sommes en train de le caricaturer, son visage. On n'aurait pas dû le maquiller, on va le démaquiller. On n'aurait pas dû le filmer comme ça, on va lui donner une fragilité qu'il a perdue en le filmant trop de face, en calant notre caméra. On va laisser un peu trembler notre caméra légèrement. Donc vous recréez la fragilité perdue à l'écran. Voilà. Ce que l'image, effectivement, évacue, cette réalité fragile, ce réel, on essaie de le retrouver dans notre manière de filmer. Et je vais dire quelque chose qui est une citation que Nanni Moretti, le cinéaste italien, un jour nous avait dite à Bruxelles, à mon frère et à moi. Il avait dit, Eduardo De Filippo, qui est un scénariste italien et aussi écrivain, il disait, tu cherches le style, tu trouves la mort. Tu cherches la vie, tu trouves le style. Et si vous voulez, nous essayons... Parce que j'appellerais le style précisément la caricature, c'est-à-dire ce qui fait que le spectateur ne parvient pas à être en rapport, si nous filmons un visage, ne parvient pas à être en rapport, même si je sais que c'est pas le visage présent tel qu'il est dans la réalité, c'est un visage filmé, mais qui permet au spectateur de vivre quand même une expérience où parfois il sera à la place de celui qui n'entend pas l'appel de l'autre, ou parfois d'autrui, ou parfois il sera cet autrui qui appelle. Et que l'autre n'entend pas ou entend. Mais généralement, c'est plutôt l'inverse chez nous. Nos personnages sont des personnages qui n'entendent pas l'appel d'autrui, la demande d'autrui, ou le commandement de ne pas tuer, et qui l'entendent, finalement. Oui, mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, le commandement, on ne le voit pas, on l'entend. Ça passe par le visage, mais il est entendu. Donc, bon, pour le coup, le cinéma a à la fois l'image dans et le silence. Et c'est et vrai le que son. Le silence chez nous, c'est beaucoup cela. C'est beaucoup ces moments... où la caméra, si vous voulez, on essaye de ne pas verrouiller. On essaye de ne pas verrouiller nos rapports, nos relations entre personnages. Que la caméra digresse un peu, quitte le personnage, aille vers l'autre personnage sans couper, sans faire un montage qui les met face à face. Et bon, c'est une manière de filmer, c'est une manière pour nous de parler. On se dit, on va essayer d'être à la mauvaise place avec notre caméra. Pour précisément... que le visage, si je puis dire, d'autrui, ou bien le corps, parce que c'est pas que le visage, c'est tout le corps, soit en excès par rapport à notre point de vue. Et reproduit cette irruption dont parle Lévinas, voilà. Ce traumatisme qu'est la rencontre avec autrui dont parle si Lévinas. Vous voulez, oui. Oui, on essaye de prendre, parce qu'en cinéma, une prise de vue, bon, mot que Bergson emploie, que Lévinas aussi, quand il parle de Bergson d'ailleurs dans ce texte, mais si vous voulez, on prend, mais on le prend de manière... à ce qui nous échappe, et à ce qu'il échappe donc au spectateur, et que le spectateur le sente non comme une idole, mais justement comme un être vivant, qui parle, quitte à ce qu'il qui soit bouge. De dos. On va prendre un exemple tout de suite. Luc Dardenne vous propose qu'on écoute un extrait de La Promesse, votre film qui est sorti en 1996, tourné en 1995. 1995, c'est l'année de la mort de Lévinas. Oui, pendant notre tournage. Donc il ne l'a pas, évidemment, pas vu. Alors c'est un extrait à la fin du film. Je vous propose qu'on l'écoute d'abord, et ensuite on dira ce qui s'est passé avant. Amidou est mort. Il est tombé dans l'échafaudage. J'ai voulu l'amener à l'hôpital, mais mon père n'a pas voulu. Pour pas avoir d'ennui. J'ai obéi. On l'a enterré derrière la Maison Blanche, dans le béton. C'est pendant ce silence qui n'en est pas un, car on entend la bande-son, on entend énormément de choses, hein, même s'il n'y a pas de dialogue, que les deux personnages se regardent. Alors au début du film, Hamidou, un travailleur africain clandestin, tombe d'un échafaudage. Juste avant de mourir, il fait promettre au jeune Igor, interprété par Jérémy Régnier, qui a à peu près 15 ans, de s'occuper de sa femme, Assita, et de son bébé. Mais le père d'Igor, qui s'appelle Roger, qui est joué par Olivier Gourmet, lui ne veut rien dire à personne, l'enterre secrètement dans le béton et demande à son fils de ne rien dire. Et c'est la toute fin du film. Et je voudrais que vous nous expliquiez comment, parce que vraiment, la façon dont cette scène est amenée est vraiment d'une tension incroyable pour le spectateur. À la toute fin du film, donc, cet enfant va finalement dire à la jeune femme que son mari est mort. Et cette scène que vous venez d'entendre est incroyable parce qu'elle lui fait dos. En fait, il voit son dos, et il ne voit pas son visage. Et c'est après cet aveu qu'elle va lentement se retourner. Et le long blanc que vous avez entendu de l'absence de dialogue est en fait correspond au face-à-face. Ils vont se regarder. Et dans cet échange de regards, se produit quelque chose d'assez indescriptible, mais d'une intensité incroyable. Et finalement, il ira avec elle, il retournera avec elle dans la ville pour retrouver son mari, enfin le cadavre de son mari, qui n'est pas dans le film, mais il l'accompagne. Et tout le film tourne autour de ce face-à-face, n'est-ce pas? Oui, oui. De ce face-à-face qui n'a pas lieu et qui n'a lieu qu'à la fin. Parce que, si vous voulez, on filme des êtres humains. Les êtres humains, c'est complexe, ambigu, ambivalent. Ça dit, ça cache, ça essaye de garder sa place au soleil tout en reconnaissant sa faute morale. Mais jusqu'à la fin, il n'est pas, je dirais, il n'est pas requis, il n'est pas regardé par cette femme. Il ne voit pas son regard. Il aide pourtant à faire plein de choses. Il trouve une solution pour sauver à la fois son père et cette femme, sans dire la vérité. Son père qui l'attache quand même dans le garage, dans une salle atroce. C'est difficile de se séparer d'un père comme Roger, comme Olivier Gourmet. Un père qui finalement va lui dire, c'est ce qu'il va raconter, ce qu'il va dire à Sita. Il va dire, mon père l'a laissé mourir pour pas avoir d'ennui, pour qu'on n'ait pas d'ennui. C'est-à-dire, c'est terrible. Mmh. Mais c'est ça, ne pas entendre, ne pas voir autrui, ne pas entendre l'appel d'autrui, c'est ça. Et le garçon, il va faire ça seul. Parce que personne ne lui dit. Il n'a pas eu, si vous voulez, il n'y a aucune transmission de cette écoute envers autrui. Il sait pas. Il exploite les immigrés comme son père le fait. Il aime son père l'aime, ils vont ensemble au cabaret. C'est un amour particulier, c'est un amour, je dirais, c'est un père très dévorant. Mais ils s'apprécient l'un l'autre. Chacun est un peu l'idole de l'autre, si je puis dire. Et il va falloir qu'il se sépare de son père. Et ça, c'est ça qui est compliqué pour lui. Et dire la vérité à cette femme, entendre le regard d'autrui, voir la souffrance de cette femme et lui dire la vérité, ça va demander, je dirais, un grand travail, une trahison, trahir son père. Et tout le problème pour nous dans un film comme celui-là, c'est que on ne montre pas le moment où il prend conscience, où il va dire « je vais dire à cette femme ». C'est une surprise, ce que je disais tout à l'heure. Il traverse, si vous voulez, la caméra les suit en travelling, on est à côté d'eux, on marche à côté d'eux, le caméraman en direction de la gare du RER. Voilà. Au moment où ils prennent le tournant pour monter l'escalier, on quitte Jérémy, on suit la femme qui va s'arrêter parce qu'il commence à parler. Lui, on ne sait pas, on l'a pas vu. C'est une surprise pour le spectateur qui est heureux qu'il le dise, enfin, je crois. Oui, ça fait 1h20 qu'il l'attend. Oui, mais enfin. Et Assita pourrait partir en Italie et le film se finir comme cela et rester avec un garçon qui finalement est resté lié à ses intérêts, aux intérêts de son père, au lieu d'entendre l'appel d'Assita. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de construire, c'est cette surprise, de ce moment éthique, ce moment du regard de l'autre qui l'entend, comme une surprise, comme quelque chose, surprise pour le spectateur. Mais que vous filmez de dos. Et dans les autres extraits qu'on va entendre aussi, c'est souvent de dos que se passe l'essentiel. Souvent, oui. On voit pas le visage, on voit la nuque. On aime les dos, oui. Mais c'est pas un pied de nez à Lévinas? Non, parce que Lévinas, il le dira d'ailleurs avec Vassili Grossman, à la Lubyanka, quand cette femme voit le dos de quelqu'un et elle voit la souffrance de cette personne dans son dos. Tout le corps est un visage, si je puis dire. Tout le corps a cette fragilité. Je ne dis pas que le visage est moindre, évidemment, c'est pas ça. Mais je pense qu'on peut voir le dos de quelqu'un et sentir la souffrance de cette personne qui vous demande de l'aider. Et puis ça accentue le caractère insoutenable de ce qui est en train d'être dit et de ce qui est en train de se passer, peut-être à la hauteur de l'exigence morale qui arrive. Bien sûr. Et l'interdiction du meurtre est encore plus forte, parce que tuer dans le dos, c'est plus facile, si je puis dire. Mm. Et si le dos vous dit non, et que vous l'entendez... Mais dans ce cas précis, la morale implique une trahison. L'acte moral implique une trahison. Ah oui, trahir sa communauté. Le traître peut être un grand personnage moral. Quelqu'un qui précisément fait passer autrui, celui qui n'est pas de ma communauté, celui qui n'est pas de ma communauté d'intérêt ou de ma communauté ethnique, ou avant justement ma communauté, avant mon père, avant ma mère, avant les miens. Et ça, c'est le comportement de ce garçon. Et c'est la nécessité de l'irruption de l'infini dans la totalité dont parle Lévinas. Si vous voulez, oui. On peut dire ça aussi. Il faut que quelque chose vienne faire exploser cette communauté, cette totalité qui étouffe. Tout à fait, tout à fait. Et le père forme cette communauté avec son fils et quelques autres personnages du film, qu'on voit dans le film. Et c'est ça dont le garçon doit se séparer alors qu'il est si jeune. Et que le père lui dit le contraire, évidemment. Lui dit, on s'en fout, les êtres humains que nous exploitons, on s'en fout. On se gagne l'argent qu'il faut pour acheter la maison. Alors on va retrouver un père et un enfant qui n'est pas son fils, justement. Ils se rencontrent au début du film. Le père, toujours Olivier Gourmet, qui est souvent le père dans vos films quand même, rencontre cet enfant à qui il propose du travail. Ils passent le film ensemble et un dénouement se passe là encore à la fin du film. C'est souvent après une lente montée en tension de plus d'une heure qu'arrivent enfin les dénouements. On va l'écouter ensemble. On va écouter parce que le spectateur apprend en même temps ici que l'enfant, ce dont il retourne depuis le début du film. On a volontairement, pardonnez-nous Luc Dardenne, rapproché un peu les scènes pour qu'on entende la succession. Il se passe, il y a d'abord un aveu, enfin une question, un aveu et puis une course-poursuite qui semble aboutir à un meurtre qui n'aura pas lieu. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Pourquoi est-ce que tu as tué ? Tu me demandes d'être ton tuteur, j'ai le droit de savoir, non ? C'est quoi que tu volais ? Une radio dans une voiture. T'as tué pour une radio ? Il y avait un garçon derrière que j'avais pas vu. Il voulait pas me lâcher. Alors je l'ai attrapé par le cou jusqu'à ce qu'il lâche. Tu l'as étranglé ? Il voulait pas me lâcher. Tu l'as étranglé ? Je voulais pas. J'avais peur de me faire prendre. Tu l'as quand même fait, sinon il serait pas mort. Ouais, mais... Ne dis pas oui, mais tu l'as fait, oui ou non ? Ah ouais. Le garçon que t'as tué, c'était mon fils. Mais papa, reviens ! Reviens ! Allez, je t'ai vu, descends. Allez, descends, je ne te ferai rien. Je ne crois pas. Descends. J'ai confirmé 5 ans, j'ai payé. Laisse ça. Il faut que la course-poursuite dure pour que l'on se demande si le père va passer à l'acte ou non, justement, Luc Dardenne. C'est donc un extrait du Fils, qui date de 2002. C'est Morgan Marine dans le rôle de Francis. Alors ici, tu ne tueras point, on y revient, évidemment. C'est bien sûr l'interdit du meurtre. Simplement, quand un père se rend compte que l'enfant qu'il rencontre a tué son propre fils, ici, alors l'impératif est différent parce que c'est le désir de vengeance qui arrive. La vengeance peut facilement être confondue avec la justice. Alors, qu'est-ce qui retient le père d'agir ? C'est là toute la question à laquelle, évidemment, vous ne répondez pas. C'est-à-dire, oui, le père a, si je puis dire, toutes les raisons de se venger. Et tout le long du film, il est dans une ambivalence permanente. Soit il apprend le métier de menuisier à ce garçon, puisque ce garçon est venu dans un centre de réinsertion, et Olivier, sans dire au centre, à la direction où qui était ce garçon, Il l'a accepté. À la fois pour lui apprendre son métier, pour comprendre ce qui s'est passé avec son fils, comment est-ce possible qu'il ait fait ça, peut-être pour finalement arriver à faire le deuil de son fils, ou peut-être pour se venger. Et ça, il ne soupçonne pas vraiment qu'il est capable de se venger. Et que ce garçon va finalement, la fragilité de ce gamin, le fait qu'il a tué son fils, évidemment, va attirer Olivier vers le meurtre. Et puis, il ne le fera pas. Et la seule chose que nous avons filmée, parce que le spectateur pense qu'il l'a fait à un moment donné. Oui, alors la dernière scène qu'on a entendue, on entendait juste les souffles. Ouais. Donc Olivier Gourmet, mais le père s'appelle Olivier, est à genoux sur l'enfant. Les genoux d'ailleurs lui serrent le visage. On voit qu'il est en train de l'étrangler avec les jambes. Et pendant quelques secondes... Genoux sur les épaules. Voilà, on regarde le visage de l'enfant, on se demande s'il n'est pas mort. Ouais. Jusqu'à ce qu'on voit enfin les lèvres bouger. En voilà. Et il regarde Olivier. Ouais. Et on se dit, puisqu'on était dans le dos d'Olivier, que cette ellipse de l'image semble nous dire que c'est ce regard de l'enfant qu'Olivier a vu. Et il s'est arrêté en voyant ce regard. Voilà. Alors que nous-mêmes ne voyons pas le regard d'Olivier. Non. Non. Et nous voyons le regard de l'enfant après, quand il est sauvé. Je sais plus, quand Olivier a dû effectivement sentir l'appel de ce garçon, a dû sentir cette impossibilité du meurtre qui... C'est-à-dire parce qu'il est pris dans une passion à ce moment-là, Olivier. Parce que le garçon lui a jeté des choses, il y a eu un acte de violence. Donc il a, en plus d'avoir tué son fils, il est devenu violent avec lui. Donc on lui a donné toutes les raisons, si vous voulez, toutes les circonstances atténuantes qu'un tribunal vous reconnaîtrait, on lui a donné. Et quand même, il ne doit pas tuer. Mais c'est là, vous dites justement, c'est intéressant, il ne faut pas... quand on parle de l'impossibilité de tuer, on peut l'entendre en deux sens. L'impossibilité, c'est l'interdit, mais c'est aussi l'incapacité. Ça, c'est autre chose, oui. Vous écrivez, alors parce que vous avez vous nous léguez des trésors en plus des films, vous écrivez des livres où vous prenez des notes sur vos films, ça s'appelle « Au dos de nos images ». Et dans le moment où vous travaillez sur le fils, on peut lire ceci, vous écrivez « Nous nous remettons à travailler sur le scénario de la vengeance, de la découverte de l'impossibilité de tuer ». Et cette découverte, justement, on peut aussi la lire comme le fait que, bah, au dernier moment, Olivier se rend compte qu'il n'en est pas capable, ce qui est très différent. C'est-à-dire, la capacité, vous voulez dire qu'il n'a pas la force? Non, c'est pas ça. Je pense qu'il a. Vous avez vu comment il est physiquement. Vous avez vu ce qu'il peut. Ah mais la force, c'est pas physique ici. Oui, mais je veux dire, il a tout et la force morale, mentale, si je puis dire, il a tout avec lui puisque cet enfant a tué son fils il y a 5 ans. Il vient de lui jeter des choses qui auraient pu aussi le tuer. Donc, je pense que la légitimité, si je puis dire, de cette vengeance est là, à tout point de vue. Donc c'est l'interdit qui l'empêche de... C'est le fait, c'est une question, moi le film n'est pas là pour répondre à la question. Il est là pour que la question reste dans la tête du spectateur et de la spectatrice qui quitte la salle, puisque c'est la fin du film. Comme dans les textes de philosophie. C'est-à-dire, mais il n'a pas tué quand même. Il avait toutes les raisons, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a senti? Qu'est-ce que? Voilà, et en plus, le film n'est pas fini non plus, parce que le gamin revient vers lui. On pourrait penser qu'il ne reviendra pas, mais il revient. Et Olivier lui laisse prendre la dernière planche qu'il met sur la remorque. Et vous dites à propos de ce film, avec ce nouveau scénario encore, nous sommes dans le cercle, l'arène de la question, que signifie être humain aujourd'hui? Regardez comment être humain, non pas en général, mais dans les situations concrètes et extrêmes que la société construit aujourd'hui. Oui. C'est la question qui vous préoccupe au-delà de l'aspect éthique. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je disais au début, que c'est l'éthique de Lévinas, mais effective, c'est-à-dire mise en situation dans une société. Et ce qui est terrible, c'est que dans une société, je dirais deux choses qui sont chez Lévinas d'une certaine façon, mais en tous les cas, une n'y est pas, je pense, c'est que dans la perception que l'assassin, que celui qui va se laisser tenter par le meurtre a, il y a une perception, je dirais, fantasmagorique, une perception projective, qui projette, vous le tuez l'autre, parce que vous projetez sur lui des images de la haine, des préjugés de votre communauté, de votre histoire. Et il faut faire avec ça dans un film, évidemment. Et comment perdre cela pour voir, pour, si vous voulez, devenir passif, pour que votre perception gagne une passivité, devienne passive au point de voir d'être requis par autrui. Voilà. Et c'est vrai que on construit une surprise à ce moment-là. Parce que on montre comment le personnage, finalement, il n'y arrivera jamais à voir autrui, être requis par lui. Et puis, bon, il se passe quelque chose. C'est ça qu'il faut essayer de trouver. Et la deuxième chose, je dirais, que nos personnages, comme ce gamin, il n'a pas été aimé. Pour faire vite, sa petite enfance a dû être terrible. Alors, c'est difficile de... Quand je pense à Lévinas, parfois, à sa philosophie, je me dis, mais c'est difficile si on n'a pas soi-même été regardé par sa mère, son père, un autre. On n'a pas été... élu, affectivement, si on n'a pas reçu un amour infini de la part de quelqu'un qui fait que vous vous aimez, que peut-être vous avez aussi cette capacité de vous aimer, pas au sens... vous vous ouvrez à la vie avec un certain bonheur. S'ouvrir à autrui n'est pas une épreuve terrible pour vous, ce n'est pas le mal, la menace qui... Non, c'est quelque chose qui... Cet amour que vous avez reçu dans l'enfance vous aide à ça. Ça ne veut pas dire qu'autrui devient le même que vous, l'alter ego, c'est pas ça. Il reste l'autre. Il va toujours vous déranger. Mais quand même, il y a une possibilité d'ouverture. Il y a, je dirais, une pré-ouverture qui est là. Et ça, nos personnages, le personnage de Francis, du gamin ici, il n'a pas ça. Mais est-ce pour ça qu'il y a autant de personnages d'enfants dans vos films? Je pense qu'il y a ça. C'est parce que Igor et Francis sont un peu les mêmes. Mais quand le gamin, il dit, je vous crois pas. Ouais. Quand Olivier dit, n'aie pas peur. Il dit, moi, je vous crois pas. Vous allez me flinguer. Moi, je ne connais que ça. J'ai pas été aimé. Parce qu'il y avait une scène, d'ailleurs, où il essayait de retourner chez son père, et où il se faisait virer le gamin, et qu'on a enlevé du scénario, pour ne pas être trop explicite. Parce que c'est ça aussi, la philosophie. C'est pour ça que le commentaire, Lévinas, là, a raison, dans son texte, à la fin de La réalité et son ombre, la critique, le travail de la critique, c'est bien, parce que vous discutez, vous parlez, quand nous sortons d'un film, si vous voulez, nous le revoyons une deuxième fois en parlant. Et ça, c'est bien. Alors, la seule chose qui apparaît à l'horizon comme absolument autre, c'est l'altérité d'autrui. L'altérité d'autrui que nous connaissons, bien entendu, dans la vie sociale. Mais dans la vie sociale, nous marchons à côté d'autrui. Nous ne l'abordons pas directement. Nous n'avons pas de relation avec lui. Autrui est quelqu'un qu'on connaît, à qui on communique ce qu'on connaît, et avec lequel ne s'établit pas de véritable rapport social. Autrui est quelqu'un avec lequel ne s'établit pas de véritable rapport social. Ça, c'est aussi, on pourrait croire, un commentaire de vos films, ouais. Luc Dardenne. Il y a un lien, mais alors rapport social, absent. Ouais. Jamais. Ouais. Mais c'est-à-dire que il y a toujours, je pense de toute façon, il y a une séparation entre les individus. Et chez nous, c'est vrai que dans cette séparation, les individus sont liés à des intérêts très forts. À des intérêts personnels, à des intérêts liés à leur désir, liés à leur volonté d'acquérir, de posséder. Et donc, les rencontres sont assez guerrières, assez violentes. Mais pour finalement... sans faire de nos personnages des personnages angéliques, parce qu'on montre, je crois, enfin on essaye en tous les cas, de montrer la difficulté de ce passage, de cette ouverture à autrui, pour ces personnages qui sont là dans la haine, parfois dans l'ignorance, dans l'indifférence à autrui, comme le père de cet enfant avec sa femme, et avec l'enfant évidemment, puisqu'il ne ressent rien pour cet enfant. Mais enfin, ça peut encore s'expliquer par des causes psy, quelque chose. Alors justement. Mais on n'en parle jamais. Jamais. Et d'ailleurs, preuve à l'appui, voici un extrait du Gamin en vélo, 2011. Cette fois-ci, on retrouve un gamin, un enfant, Cyril, joué par Thomas Doré, et non pas la figure d'un père, mais d'une mère, jouée par Cécile de France, qui s'appelle Samantha. Donc le jeune Cyril a été abandonné par son père, et il se retrouve le week-end chez Samantha, qui accepte de l'accueillir. Et puis, un jour, un soir, l'enfant ose quand même demander à la mère pourquoi l'a-t-elle accueillie. Et voici sa réponse. Tu aurais dû m'appeler quand tu t'es retrouvé tout seul avec ton vélo crevé. Prends l'eau. C'est ça que je comprends pas. Tu m'as pas appelé. Comment ça se fait que t'as pas pensé que je pouvais venir t'aider? Que je m'inquiétais de pas devoir rentrer. J'ai oublié les fourchettes. Réponds à ma question. Je sais pas, j'y ai pas pensé. Attends-moi. Bon appétit. Bon appétit. Pourquoi est-ce que t'as voulu que je vienne chez toi? C'est toi qui me l'as demandé. Oui, mais pourquoi t'as dit oui? Je sais pas. Tu dois me promettre une chose, Cyril. Ne plus jamais aller avec ce type. Ne plus jamais te laisser approcher par lui. Promis ? Ouais. Je sais pas. Voilà la réponse voilà de la mère. Et on n'en saura pas plus tout le long du film. Parce que, si vous voulez, dans le film, elle est dans une salle d'attente d'un cabinet médical, et c'est là que le gamin se réfugie quand il est poursuivi. Bon, et il va se jeter dans ses bras, il va l'accrocher, et il va la faire tomber par terre. Et elle apprend à ce moment-là que ce gamin cherche l'appartement de son père. Tout le monde sait que le père est parti, qu'il a disparu, etc., qu'il a emmené, qu'il a vendu le vélo du gamin. Et c'est ce moment-là qui résonne, c'est ce que nous espérons en tant que cinéaste, qui résonne dans ce « je sais pas ». C'est-à-dire, je sais pas, tu m'as pris dans tes bras, tu m'as coincé, tu m'as accroché, tu m'as fait tomber au sol, et c'est là que tu m'as... Voilà, j'ai senti que tu m'appelais. Et je t'ai pas laissé tomber puisque j'ai cherché le vélo. Et... Donc, si vous voulez... Imaginez qu'on ait dit, j'ai jamais eu d'enfant, j'en ai perdu un, je suis en désir d'enfant avec mon ami, mais il peut pas. Je sais pas, quelque chose de psychologique. Le spectateur, à ce moment-là, il dit, ah oui, d'accord, j'ai compris, c'est un cas. Et il voit plus Samantha, il voit un cas. Et donc, c'est là la caricature, une forme de caricature de l'image, justement, dont parle Lévinas, c'est que le quelqu'un qui est là, qui apparaît, disparaît, il s'éloigne, et vous êtes devant un cas, et vous dites, ben oui, finalement, elle est comme tout le monde. Ben c'est non, ça, c'est une manière de maintenir la radicalité du propos de Lévinas. Voilà. De ne pas si trop vous voulez l'incarner, comme il a un terme qu'il aime pas. On n'applique pas à Lévinas, hein, mais je veux dire, c'est ça qui me... C'est pas l'appliquer, c'est qu'on retrouve le même geste, voilà. Le même souci. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout, du tout de manière scolaire dire Lévinas dit ça, je le montre à l'écran. Au contraire, vous êtes vraiment animé par la même préoccupation. C'est de dire, voilà, d'aller jusqu'au bout, que le personnage garde, et en même temps, vous voyez, le personnage reste vivant. C'est lui. C'est lui qui a fait ça. Et dans un instant, un moment éthique, de relation éthique. Et il assume ça, parce qu'une fois que vous avez senti que l'autre vous demandait, il faut assumer après. Parce qu'elle le prend chez elle. C'est pas facile, parce que c'est un gamin violent. Et c'est une des rares scènes où les deux protagonistes qui se parlent sont face à face. Oui. À table. Et on entendait, hein, il y a l'irruption des petites choses du quotidien dans une discussion qui elle-même est lourde de sens. Ah, j'ai oublié les fourchettes. Attends-moi. On sent qu'elle apprend la politesse. C'est une stratégie d'évitement de sa part. C'est ça. Il veut pas répondre. Il veut pas faire face à la question parce qu'en fait, il a rencontré une espèce de père de substitution, un bandit du quartier qui est un dealer. Et le dealer lui a proposé un bon petit truc à faire avec lui. Et même l'argent ne l'intéresse pas, le gamin. Mais enfin, il a retrouvé un père, quoi. Et donc, elle veut jouer, elle épouse ce rôle de mère, qui est là, pour le coup, la relation se construit devant nos yeux. Et on sent beaucoup plus de tendresse par rapport aux autres pères dont on parlait jusque-là. Oui, oui. La construction de cette relation est vraiment aussi au... Mais elle sera tendresse et loi aussi, parce qu'elle va quand même... On retrouve l'importance de la loi pour vous. Non, mais c'est cette Samantha, cette coiffeuse, elle va quand même aussi lui interdire quelque chose, quoi, à un moment donné, non? Mais c'est une scène qui a été difficile à construire avec mon frère. On avait une scène où elle était plus maternelle. Et on s'est dit, attention, il faut qu'elle représente la loi pour ce garçon. Il ne faut pas qu'elle le prenne dans ses bras chaque fois que ça ne va pas. Quoi. Il faut, au contraire, elle doit à un moment donné fermer la porte, refuser, lui dire ça. Bon voilà, donc c'est toute une éducation. Je vais dire, oui, c'est ça, une éducation au respect d'autrui. Parce que... Ce garçon a été méchant, je ne vais pas raconter le film. Non, on verra. On a encore un dernier extrait à écouter ensemble. Alors cette fois-ci, c'est celui que vous jugez le plus explicite par rapport à la philosophie de Lévinas. Comment Lévinas, on l'a entendu cette semaine dans les extraits que nous avons diffusés, parle d'une forme de prise d'otage. Autrui ne prend en otage ma propre subjectivité. Dans Le silence de Lorna, ça donne ça. Il leur a dit que j'avais une demi-heure à midi et que je pouvais revenir. T'avais qu'à leur dire que tu pouvais être là que le soir. Je lui ai dit, mais ils ne comprenaient rien. Il ne va pas bien, il va encore arrêter. C'est bon, je la prends. Il dit que cette fois-ci, il a su qu'il va arrêter. Il me demande de l'aider. Il dit ça et demain, il sera arrêté de défoncer. Si jamais il arrive à arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Mais comme prévu, on lui fait l'overdose. Et la police va encore croire? Évidemment qu'ils vont le croire. C'est pas la première fois qu'un camé qui arrête replonge et meurt d'overdose. Oh merde, ces flics. Rien pendant 6 mois et paf. Tu vas être belge et ils nous tombent dessus. Tu m'entends? Non, je dois aller à l'aéroport. Démerde-toi pour qu'ils voient la photo du mariage. Dans les notes sur ce film, vous écrivez, Luc Dardenne, la découverte d'autrui par Lorna. Autrui, le pauvre, qui est socialement Claudie, face à Lorna, qui n'a aucun regard, aucune parole pour lui, juste le regard et la parole du mensonge, devant permettre à l'entreprise maligne de réussir. Claudie, le malade, et Lorna, la fille en bonne santé, pressée de réussir. Comment la mener vers lui ? Le film Invisible sera le mouvement qui ouvre Lorna à Claude, qui l'ouvre à ce que dit la phrase de Célane : le monde n'est plus, il faut que je te porte. Oui. Claudie, qui est donc le personnage qu'elle épouse, c'est un mariage blanc. Voilà. À la demande du personnage qu'on a entendu dans la voiture. Oui, c'est un fait divers dont nous sommes partis et que nous avons transformé en question morale. En deux mots, le fait divers, c'est une mafia qui était à Bruxelles, qui était albanaise. Elle aurait pu être une autre époque, autre chose qu'albanaise. Et si vous voulez, ils faisaient des mariages blancs avec des junkies, avec des gens qui se droguaient, des jeunes garçons qui se droguaient. Ils leur donnaient X milliers d'euros pour le mariage et ils disaient « tu toucheras le double ou le triple pour quand tu auras le divorce ». Et le divorce, il n'existait pas. Ils overdosaient, si je puis dire, le garçon. Donc, ce fait divers sordide, on s'est dit comment... C'est surprenant de voir apparaître une chose pareille dans nos sociétés. Et on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour raconter justement une histoire où cette femme qui est au courant de l'intrigue, du meurtre qui se prépare, comment elle va renoncer, parce que si elle le fait, elle a des intérêts aussi, évidemment, elle va avoir un snack avec son amoureux, qui va venir la rejoindre, etc. Il y a toute une histoire où elle a quelque chose à gagner dans cette affaire, elle ne sacrifie pas. Et elle fait ce mariage blanc pour avoir donc cette carte d'identité qui va lui permettre d'avoir une série d'avantages. Et la question pour nous est de dire, bon, comment faire? Parce que c'est quelqu'un d'endurci pour faire ça. C'est une émigrée. On pourrait attendre de l'émigrée qui sait ce qu'est l'exil. Une espèce de solidarité, de communauté, de souffrance avec tous ces gens qui sont paumés, perdus. Mais là, elle a devant elle ce qu'elle considère et ce que son ami, évidemment la mafia, pour qui elle travaille d'une certaine façon, il considère qu'un junkie, c'est un sous-homme. Il peut mourir. Comme dire à son copain, de toute façon, il allait mourir. Hein, oui, c'est ça. Quand il... oui. Donc, ils ne veulent jamais dire reconnaître qu'il le tue. Il est mort. Bon, voilà. Mais donc, ça veut dire que tout le problème de notre film était de dire, de manière non angélique, non facile, comment arriver à ce que cette femme dure, je veux dire endurcie, devienne, se ramollisse, devienne, s'ouvre, accepte. Et voilà, et c'est ce qu'on a essayé de construire. Et finalement, contrairement à Igor qui dit la vérité à Sita à la fin de la promesse, elle lui dira pas toute la vérité. Et il sera quand même tué. Alors qu'elle essaie de le sauver. Et c'est en ça qu'elle est prise en otage. Et elle est prise en otage, mais pas suffisamment. Parce que normalement, si elle avait dit à Claudie, écoute Claudie, parce que Claudie, il guérit en plus, il arrête de se droguer grâce à sa... Donc le junkie qu'elle épouse. Oui, le junkie, il arrête de se droguer grâce à sa présence. Il dit, mais j'ai toujours vécu seul, moi, j'ai une femme là qui vit avec moi, ils font même l'amour à un moment donné, ils s'aiment physiquement. Et donc, s'il va pouvoir permettre au spectateur de se dire que quand elle est enceinte, c'est un enfant de ce garçon, de Claudie, du junkie. Et si vous voulez, comme elle ne va pas jusqu'au bout, elle ne se sent pas assez requise par autrui. L'injonction d'autrui, pour elle, c'est... Bon, c'est important déjà, mais c'est qu'il ne meurt pas. Mais il y a plus que ça. C'est de lui dire, tu as été dans une intrigue, et, bon, normalement, tu ne devrais pas mourir, mais peut-être quand même. Il faudrait donc pour ça que tu vas peut-être mourir quand même. Il faudrait qu'on s'échappe, qu'on fuit, ou que je te cache. Et ça, elle ne le fait pas. Vous êtes dur. Ah non, elle ne le fait pas. Et c'est pour ça que sa culpabilité, parce que à ce moment-là, elle se sent coupable de ne pas s'être sentie assez responsable de ce garçon. Et sa culpabilité va provoquer une espèce de mal de ventre. Qu'elle prend pour une grossesse. Qu'elle prend pour une grossesse, et que le spectateur va pouvoir prendre pour une grossesse aussi, puisque on lui dira pas que c'en est pas une, puisqu'elle va refuser, dans le cabinet du gynécologue, elle va refuser l'examen. Finalement, qu'elle est venue faire pour avorter, parce qu'elle veut, parce que son mari, enfin son copain, parce que la mafia, etc. Et donc, on a essayé de raconter l'histoire de quelqu'un qui fait ce mouvement, je dirais que de l'éthique de Lévinas, c'est-à-dire entendre à un moment donné l'appel d'autrui. Mais qui n'en est pas à la hauteur, qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Qui n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais qui fait quand même quelque chose. Elle, je l'aime beaucoup, cette femme, je l'aime beaucoup. Et on aime tous nos personnages, qu'ils soient assassins ou pas, évidemment, quand on fait un film, on doit aimer tous ces personnages. C'est l'avantage d'être réalisateur et non pas Dieu. Comme les comédiens, voilà, exactement. Comme tous les comédiens, ils défendent leur personnage, quels que soient les gestes qu'ils commettent et les mots qu'ils disent. Merci beaucoup, Luc Dardenne. Merci à vous. Merci d'être venu nous parler de Lévinas aujourd'hui. Je renvoie à l'entretien que vous accordez aussi à Philosophie Magazine et au livre que vous avez écrit, des notes plus que ça, même des réflexions autour des films que vous avez réalisés avec votre frère, Au dos de nos images, qu'on trouve aux éditions du Seuil. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les philosophes parlent de philosophie. L'amour, le mal, la mort, la justice, la joie, la morale. Les philosophes ont pris la parole et la plume sur tout, tout le temps et partout, hors des amphithéâtres et des salles de cours. Nous sommes bien placés ici pour le savoir au chemin, mais de leur propre discipline, qu'en ont-ils dit? Comment la voient-ils? À quoi leur sert la philosophie? C'est le sens d'une anthologie qui va paraître aux éditions Mercure de France dans cette petite collection essentielle, Le goût d'eux. Et c'était aussi le sujet de l'émission Apostrophe du 18 janvier 1980. Bonsoir à tous. Il y a un peu plus de 6 mois, se sont tenus à Paris des états généraux de la philosophie dont l'objet était la défense de l'existence même de la philosophie, menacée, selon ses pratiquants, dans son anciennement. Alors, à cette occasion, bien des personnes se sont dit, au fond, qui sont ces gens un peu bizarres, au langage un peu particulier, qu'on appelle des philosophes. La question, évidemment, reste d'actualité. Voici le 220e numéro d'Apostrophe, à quoi servent les philosophes, avec l'un des plus grands, Vladimir Jankélévitch. À quoi sert la philosophie? Si cette question était d'actualité en 1980, 39 ans plus tard, en pleine réforme du lycée et de l'enseignement, dont celui de la philosophie, elle l'est encore. Et pour y répondre, le mieux est encore de se tourner vers les principaux intéressés, les philosophes, ces gens un peu bizarres, au langage un peu particulier, comme le dit Bernard Pivot. Et c'est bien ce qu'on trouve dans cette anthologie, Le goût de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie pour Aristote? Comment en faire selon Sénèque? Qu'est-ce que vivre sans philosophie selon Descartes? À quoi ressemble le fait de philosopher selon Bergson? Ou encore, qu'est-ce que Rousseau a apporté à Kant et Simone Veil à Albert Camus? Eh bien, vous aurez la réponse avec cette anthologie et vous saurez ainsi que la philosophie commence par l'étonnement, qu'il faut s'y consacrer complètement, que ne pas philosopher c'est avoir les yeux fermés, mais que le faire est un acte simple et qu'enfin Rousseau permet d'être sur le droit chemin et que la solitude de Simone Veil n'est n'était pas sans espoir. Je vous laisse attribuer à chaque auteur ses réflexions. Mais tout cela suffit-il à dire à quoi sert la philosophie? C'est le problème, et c'est Jean Kelevitch qui l'avait soulevé justement dans cette émission de 1980, et voici comment il répondait à la question posée. Je ne pense pas qu'il faut poser ce problème-là, de savoir à quoi ça sert. Parce que la philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir? À penser. Pardon? À penser. Ça ne sert pas plus à penser que les mathématiques, que l'algèbre, par exemple, n'est-ce pas? Et puis, servir est un mot déplaisant, qui n'est pas philosophique lui-même. Donc, vraiment, ça ne sert à rien. La philosophie, ça sert à rien. On pourrait y voir une réponse de philosophe qui déconstruit la question pour ne pas y répondre. Et c'est vrai que cette réponse est assez séduisante, que l'on est tenté de le croire. Je ne lis pas un livre de philosophie pour penser. Je n'écoute pas tel penseur pour avoir une idée ou pour réussir une réflexion, comme je me servirais d'un mixeur pour réussir ma purée. Et pourtant, force est de reconnaître que beaucoup des textes de cette anthologie révèlent une utilité de la philosophie. Pour Marc Aurèle, par exemple, seule la philosophie permet de nous guider au milieu des écueils de l'existence. Pour Voltaire, elle est un remède au fanatisme. Et pour Sartre et Beauvoir, elle est ce qui nous dévoile le monde et permet d'y cheminer. Plus intéressant encore, Rousseau, pour qui la philosophie est comme un magasin d'idées, comme si pour le coup elle nous permettait de réussir à penser, à s'instruire. Dans la suite de l'entretien avec Bernard Pivot, Jean Kelevitch dit que la philosophie ne sert à rien, mais qu'elle suppose en revanche une pratique. Elle se fait plutôt qu'elle ne se dit. Si elle a donc bien une utilité, sans relever pour autant de l'utilitarisme, de l'instrument pur, c'est parce qu'elle se pratique. Elle ne sert pas à obtenir un bien précis, mais à quelque chose de beaucoup plus fondamental pour soi, et dans même temps très quotidien, la critique. Je reconnais humblement que je suis obligé de répondre même à ceux qui dénigrent la philosophie. Et je vais vous dire pourquoi, si vous me demandez pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Et alors pourquoi? Eh bien, parce que dénigrer la philosophie, c'est encore faire de la philosophie. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Non. C'est comme la pensée selon Descartes. Quoi que vous fassiez, quand vous doutez, vous pensez. De même, vous philosophez, même et surtout quand vous contestez la philosophie. Contester, c'est l'acte même de la pensée philosophique. C'est pourquoi les philosophes, les jeunes gens de 68, ils n'étaient pas si bêtes en se faisant les apôtres de la contestation. Parce que la contestation, c'est la philosophie elle-même. C'est de penser que rien ne va de soi, rien, pas même la philosophie. Philosopher ne sert à rien, mais ça se fait et ça se pratique de fait tout le temps, même quand on le conteste. Ainsi, ce n'est pas l'acte de philosopher qui doit être questionné en se demandant à quoi il sert, mais plutôt l'existence de ces textes mêmes qui font parler la philosophie et en montrent l'utilité. À quoi ça sert de parler de philosophie quand on est philosophe? N'est-on pas déjà convaincu de sa nécessité? Qui cherche-t-on à convaincre? Eh bien, c'est une autre question tout aussi utile. Vous avez une réponse à cette question, Luc Dardenne? À quoi sert la philosophie? Je dirais que la réponse de Jean Kelevitch est très bien. À rien. Merci pour cette réponse et merci pour votre chronique, Géraldine. Mais on peut quand même lire ces textes qui montrent l'utilité de la philosophie, c'est le goût de la philosophie et c'est au Mercure de France. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission, à la prise de son aujourd'hui Élise Leu, à la lecture des textes Vincent Schmitt. On se retrouve demain pour la suite de cette série qui célèbre les rencontres entre philosophie et cinéma. Demain, on parlera de Stanley Cavell, la projection du monde à l'écran, en compagnie d'Arnaud Desplechin et d'Élise Domenac. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter chaque émission en ligne ou bien la podcaster, la télécharger, comme ça vous pourrez l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, l'équipe des Chemins de la Philosophie tient un compte Facebook, Twitter et Instagram où nous serons ravis de discuter avec vous. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.